Réponse aux protecteurs des dirigeants arabes. Les protecteurs des dirigeants arabes apostats, parmi les Murji'a, qui se prétendent salafis, ont accusé ce site d'être un site de tekfiri et de khariji. Leurs preuves ? Accrochez-vous, elles sont mashallah. 1. J'ai traduit le mot tekfir par « déclarer quelqu'un mécréant » dans l'un de mes articles, au lieu de « juger mécréant ». 2. J'ai traduit le mot « mu'affa » par « pardonner ». Dans le hadith, toute ma communauté sera mu'affa, sauf ceux qui font les grands péchés publiquement. Alors que le terme mu'affa vient du mot afia, qui signifie soit pardonné, soit préservé, sauvé, comme le mentionne Al-Hafid ibn Hajar. Mais dans ce hadith, c'est le sens préservé, sauvé. Voici leurs deux preuves. Mais Alhamdulillah, lorsque j'ai lu leur analyse sur la traduction, j'ai trouvé qu'elle était juste. Et j'ai donc corrigé cela. Conclusion. Leurs deux preuves n'existent plus. De plus, ces deux preuves ne prouvent en aucun cas que je suis khariji, car même si l'erreur de traduction pouvait mener à se rapprocher de leur voix, moi je n'ai jamais rendu mécréant celui qui fait ses grands péchés publiquement, ni celui qui ne crie pas kafir sur tous les chrétiens qu'il croise. On ne juge pas un homme pour l'implication de ses paroles. C'est une règle très connue mentionnée par Ibn Hazm et Ibn Taymiyyah. Que reste-t-il alors ? Les fatwas noires d'Ibn Abbas ? Question. En quoi est-ce que ces fatwas noires prouvent ou indiquent que je suis un tekfiri ou un khariji ? Pour rappel, le khariji est celui qui considère mécréant tout musulman coupable de grands péchés moindres que la grande mécréance. Et le tekfiri, bien que ce terme ne fût pas utilisé par les salafs, désigne chez les contemporains celui qui déclare mécréant le musulman en se basant sur des règles de tekfir innovées. Inconnu des compagnons et des salafs. Donc, je demande à ces gens, où est-ce qu'on trouve cela dans les fatwas noires d'Ibn Abbas ou ailleurs dans le site Mouahid ? S'ils font allusion au tekfir prononcé sur le roi Fahd al-Saoud et son ministre Naïef, alors je leur dis, 1. Je ne les ai pas jugés mécréants à cause de leurs grands péchés, qui sont nombreux. Cela va de la fornication avec les prostituées égyptiennes au casino suisse, en passant l'alcool et autres atrocités du genre. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas pour cela que les savants et ensuite moi les jugeons mécréants. Nous les jugeons mécréants car ils ont commis de nombreuses mécréances majeures, claires et évidentes, non ambiguës. Bientôt, Inch'Allah, un dossier complet sera publié qui explosera par la volonté d'Allah le quelque peu de faux espoir et ambiguïté qui reste chez ces pauvres talafis qui dénoncera de manière irréfutable la mécréance majeure de cet état. Mais je vais quand même en citer une afin de prouver une partie de ce que je dis en attendant le dossier complet. L'Arabie Saoudite a fondé l'ONU, les Organisations des Nations Unies, avec les autres états mécréants. Le finance et adhère à ses règles, s'y soumet et en est fier. La preuve. Cette info vient directement du ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite dans son article intitulé « La politique extérieure du Royaume d'Arabie Saoudite » publié le 9-12-2004. Et voici le passage en question. Ce qui signifie « Et le Royaume d'Arabie Saoudite est fier d'être parmi les membres fondateurs de l'Organisation des Nations Unies depuis 1945. Ceci est le fruit de la foi profonde du Royaume que la paix mondiale est l'un des objectifs de sa politique extérieure. » Alors maintenant que c'est établi, qu'est-ce qui prouve que c'est une mécréance, me direz-vous ? Eh bien, regardons en quoi consistent les Nations Unies, leur da'wa en quelque sorte. « Nous, peuple des Nations Unies résolus, à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites, à créer des conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, et à ces fins,

Et de ce fait, il est obligatoire de prononcer le verdict céleste révélé par Allah du Très-Haut des sept cieux, et il s'agit du takfir. B. Il est excusé par le ta'wil ou l'ignorance, ce qui n'est pas possible, la mauvaise interprétation, car il n'y a aucun ta'wil ni ignorance qui est pris en considération dans la créance claire, bawah. Mais en imaginant que cet état soit excusé par cette mauvaise interprétation, le ta'wil, eh bien, celui qui le juge mécréant n'est pas un khariji ni un tekfiri, car il a basé son verdict sur un acte qui est réellement de la mécréance. Et les preuves de cela sont nombreuses, mais je n'en citerai qu'une pour ne pas allonger le sujet. Le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim sur l'histoire de Hatib, qu'Allah l'agré, qui avait informé les mushrikouns, les associateurs, de la venue du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour la bataille de la conquête de la Mecque. Omar ibn al-Khattab déclara Hatib mécréant et hypocrite pour son acte, et demanda au messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, la permission de lui trancher la tête. Le messager d'Allah l'informa alors de l'excuse de Hatib et témoigna de sa bonne foi. Mais il ne dit pas à Omar, tu as rendu licite le sang d'un croyant, tu es un khariji, un égaré, un chien de l'enfer. C'est pourquoi Ibn Qayyim a dit, parmi les conclusions de cela, lorsqu'un homme accuse un musulman d'hypocrisie ou de mécréance par erreur d'interprétation ou par colère pour la religion d'Allah ou de son messager, et pas par passion ou autre, il ne devient pas mécréant pour cela, ni même pécheur, mais il est même récompensé pour son intention, contrairement aux gens des passions et de l'hérésie. Eux, ils traitent de mécréants et d'hérétiques celui qui s'oppose à leur passion, alors que ce sont eux qui méritent le plus ces accusations. Voir dans Zayd al-Mu'ad 3, 362. Quant à leurs prétentions, seuls les savants peuvent donner le verdict de mécréant sur une personne précise. C'est faux. Et c'est une invention que les salafs n'ont jamais enseignée, et nous détaillerons cela dans le dossier sur l'Arabie Saoudite, Inch'Allah. D'ailleurs, le Shir Rajihi a démenti cela. La question, lorsque nous voyons une personne se prétendant musulmane, insulter Allah ou le messager ou la religion, ou adorer une idole, ou se prosterner pour elle, ou pour une tombe, ou permettre la fornication, ou nier la prière, pouvons-nous témoigner de sa mécréance, nous les jeunes, sans demander à un savant? Ou doit-on obligatoirement demander à un savant? Réponse, non. On témoigne de la mécréance de celui-là. On témoigne de sa mécréance. Celui qui insulte Allah ou le messager, ou nie une chose nécessairement connue en religion, ceci est une chose claire et flagrante, inévitablement connue. Question. Nous ne devons donc pas demander à un savant dans ce cas? Réponse. Non, car ceci est une chose flagrante. Rien ne pose problème. Une fois que tu sauras cela, alors sache que ceux qui m'accusent d'être un khariji sont des ignorants, soit de la réalité de l'État saoudien, soit de la réalité des règles de l'islam au sujet de l'apostasie. Dans les deux cas, ils parlent sans savoir, et donc il n'est pas permis d'estimer quoi que ce soit de leurs prétentions. Si vraiment il y a du tekfir exagéré dans ce site, j'espère qu'il aura des preuves un peu plus solides que deux erreurs de traduction.